Aujourd'hui, le 29 juin 2022, hier, Sayado avait parlé des méditations protectrices lorsque nous pratiquons Vipassana. Pour pouvoir pratiquer de façon paisible, sans être dérangé, nous devons prendre des protections appropriées. Nous devons avoir des protections appropriées. Il y a 4 sortes de protections. Sur les 4, Sayado a parlé de Buddhanusati, le souvenir des vertus du Bouddha, et Metta Bhavana, le développement de l'amour bienveillant. Aujourd'hui, Sayado va parler de la 3e méthode de protection qui doit être développée, Asubha Bhavana, et de la 4e méthode qui est Maranasati, la réflexion sur la mort. Sayado va continuer de parler sur ces 2 derniers aujourd'hui, la 3e et la 4e méthode de protection. La 3e pratique est Asubha Bhavana. Asubha Bhavana, c'est le fait de se souvenir, de méditer sur notre propre corps, sur les aspects non attrayants de notre propre corps. Il s'agit de porter notre attention sur ces aspects-là. Dans notre corps, il y a beaucoup de parties. Combien y en a-t-il? Il y en a 32. Les cheveux sur la tête, les poils sur le corps, les ongles, les dents, la peau, etc. Si nous séparons le corps en différentes parties, il y en a 32. Ces 32 parties sont juste rassemblées ensemble pour former notre corps. Quand ces parties sont assemblées ensemble, alors nous pouvons voir un corps. Nous pouvons voir qu'il y a une femme, un homme. Il y a un humain, il y a un animal. Ils deviennent apparents lorsqu'ils sont vus en entier, assemblés. Mais si nous les divisons, ce sont juste des parties. Utilisons l'exemple d'une voiture. Lorsque toutes les parties sont assemblées, elles semblent bien. Mais si nous séparons les parties, et que ça devient des piles de pièces détachées, cela n'apparaît plus comme une voiture. C'est la même chose avec notre corps. Rassemblés ensemble, l'apparence est que nous apparaissons comme des hommes ou des femmes. Mais si nous prenons des parties du corps humain ou du corps des êtres, cela n'apparaîtra plus comme des humains ou des animaux. Lorsque nous le prenons partie par partie de cette façon, il n'y a plus rien auquel s'attacher. Donc, si nous divisons une voiture en plusieurs parties, elle ne serait plus attirante comme une voiture pourrait être attirante. De la même manière, si nous séparons les différentes parties du corps, il n'y a plus rien qui soit attrayant. C'est juste dégoûtant. Si nous prenons une nouvelle voiture et que nous la divisons en pièces détachées, en différentes parties, il n'y aura rien d'attachant à cela. Et si nous prenons une vieille voiture, c'est encore pire. Ce serait encore moins attrayant. Quand ces différentes parties sont assemblées ensemble, mises ensemble, on peut les trouver intéressants, attrayants, on peut y prendre plaisir. Mais si nous les séparons en plusieurs parties, il n'y a plus rien d'intéressant ou de désirable. Ils n'ont plus les aspects plaisants ou désirables. Cette pratique de Asubha Bhavana, c'est une pratique que les jeunes hommes ou jeunes femmes qui aiment les choses attrayantes n'aime pas pratiquer. Mais pourquoi devons-nous le faire? Pourquoi devons-nous le pratiquer? La raison pour laquelle les gens n'aiment pas faire cette pratique, c'est que des choses qui semblent être belles sont rendues non attrayantes, non belles. Mais pourquoi devons-nous faire cette pratique? En séparant les différentes parties, elles ne sont plus attrayantes, elles ne sont plus belles. C'est aussi pour cela que les gens n'aiment pas la pratiquer, parce que quelque chose qui a une apparence jolie devient laid. Mais si nous développons ce type de pratique, pour les gens qui pratiquent Vipassana, il y a des bénéfices. Par exemple, dans notre corps, nous avons les cheveux, les poils sur le corps, les ongles, les dents, la peau. Prenez-les juste comme des groupes, comme les cheveux, les poils, les ongles, la peau. Il s'agit là de 5 parties et nous avons 32 parties. Prenez juste un cheveu, par exemple. Juste un seul cheveu. Est-ce qu'il vous paraît beau ou est-ce qu'il est peu attrayant? Pensez-y juste pour vous-même. Donc, en regardant cela de cette façon, pour un seul cheveu, est-ce qu'il vous paraît beau en termes de visuel? Est-ce qu'il sent bon en termes d'odeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît attrayant en termes d'apparence ou au niveau des odeurs pour un seul cheveu? Pensez-y encore à propos de ce cheveu au niveau de l'odeur. Si nous ne le lavons plus pendant 3 ou 4 jours, qu'est-ce qu'il sentira? Est-ce que ce sera une bonne odeur ou une mauvaise odeur? Et si pour un cheveu vous le trouvez beau, est-ce que vous le trouveriez beau aussi si vous le trouviez dans votre nourriture? Et regardez maintenant l'endroit où ce cheveu existe. Il est au-dessus du crâne et en dessous du cuir chevelu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sang, de la chair humide, toutes sortes de choses. Regardez juste l'endroit où il se trouve. L'endroit lui-même est aussi peu attrayant. Voyons un peu plus les 32 parties. Par exemple, regardez les ongles des doigts des pieds. Ils peuvent sembler beaux, mais et si on les coupait? Et que nous laissions ces ongles coupés pour quelques jours. Et qu'est-ce qu'il se passerait si vous trouviez cet ongle dans votre nourriture? Est-ce que ce serait attrayant? Voyons les dents. Où sont les dents dans notre corps? Ils sont dans notre bouche. C'est entouré de salive, d'humidité. Est-ce que c'est attrayant? L'endroit où elle se trouve n'est pas attrayant. Mettons que vous ayez des belles dents, de beaux ongles. Et s'ils sont cassés, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui les garderait? Les 32 parties de notre corps sont toutes comme cela. Pris dans leur ensemble, ce peut être quelque chose qu'on peut trouver attrayant. Mais si nous y réfléchissons dans leur partie individuelle, il n'y a rien d'attrayant dans ces choses. Il y a des personnes qui disent que cette pratique de Asubha Bhavana, c'est juste rendre les choses belles, laides. Mais il y a des bénéfices à faire cette pratique. Elle nous aide à rendre notre esprit beau. Quand nous pratiquons Asubha Bhavana, nous pouvons rendre notre esprit beau. Le Bouddha a donné la priorité à la purification de l'esprit. C'est pourquoi il a enseigné aux gens de pratiquer Asubha Bhavana. Les bénéfices de pratiquer Asubha Bhavana et de développer cette pratique, et que si nous commençons à voir, si nous voyons notre corps comme beau, alors le désir, la convoitise ont tendance à se manifester. Pourtant, si nous développons cette pratique et qu'elle devient de plus en plus établie, et pendant que nous pratiquons Vipassana, lorsque nous voyons des choses jolies, nous serons libres de désir et de convoitise pour cet objet qui est beau. Laissez-moi faire un retour en arrière. Si nous voyons notre propre corps comme attrayant, alors raga, la convoitise, le désir, a tendance à se manifester. Et si raga devient de plus en plus grand, fort, alors lorsque nous verrons des objets beaux, nous ne serons pas libres de la convoitise. Mais si nous pratiquons Vipassana et que pour un homme, une femme belle apparaît, ou pour une femme, un bel homme attrayant apparaît pendant la méditation, en pratiquant Asubha Bhavana, cette belle personne n'apparaît plus en entier. La personne apparaît fragmentée en parties. Avec un esprit comme cela, le yogi est libre de convoitise envers l'objet attrayant, cette personne qui apparaît. Ce sont les bénéfices de pratiquer Asubha Bhavana pour les méditants. Comment développer Asubha Bhavana? C'est de méditer sur vous-même. Si dans notre corps, il y a juste des cheveux, des poils, des ongles, des dents, la peau, etc., cela n'est pas attractif, ce n'est pas attrayant, c'est dégoûtant. Donc Asubha Bhavana est une méthode de méditation que les méditants doivent développer. Ils doivent méditer dessus. Mais concernant les quatre méditations protectrices, chaque jour, pour environ une minute chaque jour, pratiquez chacune des quatre méditations pour une minute pendant la journée. Une minute de chaque méditation. De toute la journée de méditation, nous avons seulement besoin de pratiquer pendant une minute chacune de ces méditations. Si nous passons beaucoup de temps sur ces méditations de protection, cela réduira notre temps de pratique pour Vipassana. Donc, pratiquez ces méditations une fois par jour, une minute pour chacune d'elles, avant la session de méditation Vipassana en position assise. Le dernier et quatrième type de méditation protectrice est Maranasati, la méditation sur la mort. Il y a quelque chose que nous devons considérer. C'est le Dhamma auquel nous allons faire face. Cette méditation est pratiquée pour développer une urgence spirituelle. En pali, on dit Samvega. La pratique n'est pas faite pour développer la peur. Elle est pratiquée pour développer l'urgence spirituelle, que vous pouvez aussi appeler une peur saine. Il y a des personnes qui considèrent que le mot « mort » porte malheur. Ils n'aiment pas ce mot. Certaines personnes commencent à avoir peur lorsqu'ils réfléchissent à la mort. Ils ne veulent pas continuer à y penser. Mais la pratique de méditer sur la mort est très précieuse. La pratique que le Bouddha a enseignée. C'est d'une grande valeur de réfléchir sur la mort. Parce que quand on commence à y réfléchir, nous comprenons que nous pouvons mourir à n'importe quel moment. Et donc nous ne serons plus effrayés lorsque la mort arrive. En particulier, lorsque nous méditons sur la mort, nous voulons obtenir l'essence précieuse. Nous voulons extraire la valeur de ce corps. La valeur que nous pouvons extraire de ce corps est la pratique de Sila, la moralité, la pratique de Samadhi, la concentration, et la pratique de Panya, la sagesse. Donc nous essayons d'obtenir cela avant de mourir. En un mot, l'exemple dit que vous avez une poubelle de déchets et il y a des gens qui extraient, qui arrivent à prendre ce qui est précieux de cette poubelle de déchets. Ils peuvent extraire de l'or de ces déchets. Si le yogi médite de telle sorte à comprendre le fait de mourir, de comprendre la mort, nous pouvons voir les inconvénients lorsque le méditant n'y réfléchit pas, ne médite pas dessus. Lorsque nous pratiquons la méditation, il y a beaucoup de sensations inconfortables qui apparaissent. Il y a des douleurs, nous avons mal, il y a de l'engourdissement, c'est très inconfortable. Et quand nous ressentons cet inconfort, nous voulons nous sentir bien, confortable. Et nous changeons de position, ici et là. Et si nous changeons de position de cette façon pendant l'assise, nous ne développerons pas, nous n'aurons pas une bonne concentration. Nous serons lents à installer la concentration. Si nous ne pouvons pas supporter les sensations inconfortables et que nous changeons de position souvent, nous ne pouvons pas obtenir la concentration. Sans concentration, samadhi, les connaissances vipassana ne peuvent pas survenir. Et sans la connaissance vipassana, il n'y aura pas de réalisation de la connaissance du chemin et du fruit. Et il n'y aura pas de réalisation de nibbana. Certaines personnes ont peur lorsque la sensation d'inconfort apparaît dans leur corps. Ils essayent de noter. Ils ont peur que cela les rende malades à cause de cet inconfort et de ces douleurs. Mais les yogis qui comprennent vraiment à propos de la mort, pour eux, ils n'ont pas peur lorsqu'ils rencontrent des douleurs. Et ils sont capables de les noter d'une façon maîtrisée. Les yogis doivent être capables de supporter les douleurs et les sensations d'inconfort pendant la pratique. Quand le yogi est capable de les observer avec endurance et patience, alors ils sauront la nature de la douleur. Ils la comprendront et alors ils seront capables d'aller au-delà de la douleur et ils pourront atteindre la connaissance du chemin et du fruit. Ils réaliseront l'état sans mort qui est Nibbana. Le Bouddha a enseigné sur la méditation sur la mort parce qu'il a vu ses bénéfices. Si nous considérons notre corps et que nous essayons de le mettre à l'aise, alors samadhi ne pourra pas s'installer. Et sans samadhi, nous nous priverons de la paix intérieure. Si nous ne pouvons pas supporter l'inconfort qui peut apparaître dans la pratique et que nous manquons l'opportunité de développer le dhamma, dans nos cycles d'existence dans le samsara, nous pouvons être amenés à renaître dans des plans inférieurs d'existence, de souffrance. Nous pouvons renaître en tant qu'animal, ou fantôme affamé, l'inconfort qu'on peut avoir en naissant en tant qu'animal ou fantôme affamé, si vous pouvez réfléchir à la souffrance, à toute la souffrance qu'il peut y avoir de renaître dans ces plans, en comparant cette souffrance avec l'inconfort que nous pouvons expérimenter durant notre temps de pratique, si nous pensons à cela, cela peut nous aider à faire face à la douleur. Pensez comme cela et notez la douleur de façon courageuse. C'est important. Une autre façon de réfléchir est juste de voir combien c'est difficile pour les gens de gagner leur vie. Ils vont même jusqu'à sacrifier leur santé pour leurs affaires et leur travail. Et dans certains cas, les gens vont même jusqu'à mourir en faisant leur travail. Cet effort pour gagner leur vie, les gens le font juste pour cette vie-ci. C'est juste pour le confort de cette vie-ci. Et pourtant, les gens vont jusqu'à sacrifier leur santé ou même leur vie. Juste dans le processus de rendre leur vie confortable dans cette vie-ci. Mais dans cette pratique-ci, si nous pouvons juste supporter l'inconfort de la pratique patiemment, alors nous pourrons obtenir la liberté de la souffrance pour une période beaucoup plus longue que juste dans cette vie-ci. Cela va nous libérer de la souffrance pour nos vies futures aussi. Cela va nous libérer de la souffrance de nos vies futures dans le reste de nos existences dans le samsara. C'est une autre façon de nous réfléchir pour nous encourager à faire des efforts pour observer l'inconfort pendant notre pratique. Donc, la mort est un sujet sur lequel nous devons réfléchir. Et parce que cela nous apporte des bénéfices, cette pratique est appelée Arakha Bhavana, une méditation de protection. Pour pratiquer cela, nous devons réfléchir au fait que, avant longtemps, nous allons mourir. Ça, c'est une chose qui est sûre. Personne ne vit sans mourir. C'est quelque chose que nous devons faire tous les jours, pendant notre pratique et aussi à la maison. Donc, ces quatre méditations de protection doivent être pratiquées pas seulement pendant la retraite, mais aussi tous les jours dans notre vie. Donc, ce qui doit être pratiqué, c'est Asubha Bhavana, la réflexion sur le corps, Marana Sati, la réflexion sur la mort, Metta Bhavana, le développement de l'amour bienveillant, la méditation que tout le monde aime. Donc, une fois par jour, pendant une minute, chacune de ces méditations. Juste avant la méditation assise, nous devons développer ces types de méditations. Et Buddhanusati aussi est une pratique que nous devons faire tous les jours. Les quatre pratiques sont donc Buddhanusati, la réflexion sur les vertus du Bouddha, Metta Bhavana, Asubha Bhavana et Maranasati. En pratiquant toutes les quatre, nous serons protégés. Nous pourrons pratiquer la méditation de façon tranquille. En pratiquant ainsi, puissiez-vous développer le bonheur dans la pratique, la purification de l'esprit et réaliser la paix de Nibbana. Satu, Satu, Satu.